c'est le retour compliqué de Daniel Bryan. C'est les oreillons à la WWE, le Bullet Club contre la WWE, contre Jimmy Jacobs. Après, je suis pas sûr qu'il avait un grand avenir à Stamford, hein, parce qu'il est vraiment tout petit et il a un peu une tête de con. Finalement, NXT, c'est peut-être le centre d'apprentissage de Triple H, hein, tout simplement. Percy, c'est le Byron Saxon de NXT, quoi. CM Punk revient au catch, arrête tes conneries. Bon. Discute avec le répondeur de Dana White. Hein. Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Talky Catch, édition numéro 12 si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, vous avez qu'à remplacer ça par 11 ou 13, je ne sais pas. Je suis Hank et je suis accompagné comme à chaque émission par notre expert, notre Pierre Tcharnia finalement, hein, de Catch-Up, c'est Ringside. Salut, salut les amis, salut Hank. Salut. Ça roule ? Ça va, et toi ? Comment que c'est ? Tranquille. C'est bien passé, NXT tout seul ? Ah oui, à ça ? Ça s'est bien passé. Je vais d'ailleurs juste, capture le audio, hop, voilà. Je te booste comme booster, le célèbre catcheur français. Le pape du catch français. Voilà. Pape salut à Maxence et Ralem qui sont dans le chat. Déjà ? Déjà, boum ! Et oui, sachez que Talking Catch, comme toutes les émissions de la Catch-Up Sphere, alors on va faire des hashtags comme c'est ça le catch, tu vois, Catch-Up Sphere, Catch-Up Club, et trucs comme ça. Tous nos podcasts sont en live sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, twitter.com/catch-up-cdc pour savoir quand c'est diffusé. Après cette auto-promo incroyable, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce mois de février. Enfin, on enregistre ça en mars, mais c'est les news du mois de février, toutes chaudes. En premier, c'est l'équipe 21. Et oui, nous allons parler foot désormais dans Talking Catch. l'équipe 21, voilà, je vais grossir un petit peu le logo. Un bien beau logo. Qui va diffuser Monday Night Raw à partir du 10 mars, le samedi à 10h, et rediff le samedi soir. Je crois qu'ils n'ont pas précisé quel horaire. C'est un peu bizarre de rediffuser un truc le même jour qu'on le diffuse, mais bon. Ce sera donc une version raccourcie, hein, du show, la version condensée internationale de 1h, et ce sera commenté entre autres par Florian Gazan et une seconde personne qu'ils n'ont pas encore annoncée. J'ai entendu parler de Marc Chavez. Marc Chavez, qui commente un peu en remplacement à Juste et Chéreau de temps en temps sur AB1. Mais bon, rien d'officiel, hein, je crois, pour l'instant. Ok. Mais oui, parce que j'imagine que Florian Gazan, enfin, à ma connaissance, c'est pas un grand fan, donc ça va être un peu le color commentateur, celui qui balance des blagues ou qui fait du lol. on verra ce que ça donne, hein. Mais déjà je suis assez intrigué de voir comment ils peuvent réduire Raw à 1h. Je crois que j'ai jamais vu une version de Raw qui dure 1h. C'est avance rapide. Je sais pas où ils suppriment tous les matchs qui n'ont pas d'enjeu. Finalement, on verra pas les cruisers. Je pense qu'on verra pas trop Rhino et Slater ou Titus Worldwide. Ouais. Et puis il y aura sûrement des coupures dans les matchs. Les matchs seront peut-être pas en intégralité, je pense. D'accord. Sur les matchs très longs. Hein. Je vois ça comme ça. Voilà. Donc je vous rappelle que comme le nom de la chaîne le suggère, l'équipe 21, c'est sur la 21e chaîne de la TNT. Tout ça n'annule pas la diffusion de Raw et SmackDown sur AB1. Donc chez les fans de Chéro et d'Ajust, ne vous inquiétez pas, c'est toujours présent. Donc c'est Raw le mercredi à 20h40 et SmackDown le vendredi à 20h40. Sur AB1. Et donc, ma question ringside, parce que j'ai toujours une question à poser. Je suis un peu comme le professeur Rollin, il a toujours quelque chose à dire. Alors, est-ce que tu vas tester, tu vas Matero avec le café le samedi? Et est-ce que tu penses que c'est une première étape pour l'équipe, pour voir si finalement, si ça marche bien, est-ce qu'il prendrait pas SmackDown aussi? Alors, faut peut-être pas trop s'avancer sur ce qui va se passer après, parce qu'il faut, ouais, il faut déjà voir le succès que ça va rencontrer. Apparemment, j'ai l'impression que l'équipe 21, c'est une chaîne qui fonctionne assez bien sur la TNT. Même si, bon, il travaille visiblement avec des bouts de ficelle, mais ça a l'air de rencontrer son petit succès. C'est toujours bon d'avoir la WWE directement sur la TNT, hein, parce que depuis que ça a disparu de NT1, ça a carrément baissé, hein, l'engouement pour le catch en France, donc avoir une visibilité comme ça, c'est pas mal. Bon, après, l'horaire, c'est un petit peu spécial, 10h le matin comme ça le samedi, mais bon, c'est rediffusé en deuxième partie de soirée le samedi, donc il y a quand même une visibilité qui est plutôt pas mal. Moi, je vais tester au moins pour voir à quoi ça ressemble. Après, c'est sûr que pour nous, ça va pas avoir un grand intérêt. Oui. Je suis curieux de voir aux commentaires ce que ça peut donner. Gazan, il a quand même une bonne culture de tout ce qui est pop culture américaine. Je pense qu'il doit quand même être un petit peu le catch un minimum. Maintenant, à voir s'il est capable de vraiment sortir des commentaires qui font le job, hein, parce que c'est quand même tout un métier, hein, de commenter le catch. Ça peut pas être pris comme n'importe quel sport, il y a quand même des choses à faire pour que ça reste un minimum divertissant, et puis sans qu'on tombe dans le ridicule achevé. Voilà, je suis curieux de voir, on va voir un peu à quel point Ajus et Chéreau apportent quelque chose au catch en France. Mais bon, c'est que bénéfique, puisque ça va permettre à une nouvelle génération qui a peut-être pas connu le catch depuis que ça a disparu d'NT1 de découvrir ça. J'imagine que leurs deux horaires, même si je disais c'est un peu bizarre de rediffuser le même jour, finalement les deux horaires correspondent aux deux cibles potentielles, le samedi matin pour les enfants et le samedi soir pour les mecs qui rentrent bourrés chez eux. Et... Ça fait un peu tôt pour rentrer, bourré 22h, mais... Je sais pas à quelle heure, à quelle heure ils prévoient. Ils avaient un horaire, toi, t'avais trouvé un horaire? Ah, j'ai entendu deuxième partie de soirée, donc ça doit être autour de 22h. C'est peut-être un petit peu fluctuant, je pense. Ouais. Mais coup de zapette le samedi soir quand on s'emmerde, on tombe sur Raw, je pense que ça peut fonctionner. Quoi. Oui, c'est souvent ce que j'entendais chez les quelques amis qui regardent, qui tombent de temps en temps sur le catch. Généralement, c'est soit entre potes ou même seul chez soi. Le samedi soir ou le vendredi soir, ils tombaient sur AB1, sur le truc, et ils regardent juste comme ça, quoi, parce que ça les fait marrer, et peut-être à un moment ils vont tomber sur un épisode qui est meilleur qu'un autre, et peut-être avoir envie de voir la suite. Donc voilà. Mais c'est ça. Après, si plus en plus de monde en parle à la machine à café le lundi matin, y a l'engouement qui prend. C'est comme ça que ça avait fonctionné aussi quand ça a commencé à diffuser sur NT1. Hein. Les gens, pour l'instant, s'intéressent pas de très loin, parce que c'est difficilement visible. La WWE, elle est à l'heure actuelle, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme ça fonctionnait il y a quelques années. Il va y avoir aussi un prime time pour lancer le truc, je pense, aux alentours de WrestleMania. Hein. J'ai vu une émission spéciale, je crois que c'est 30 mars ou 31 mars. Ouais. Donc voilà, ça peut être sympa. Après, donc il y a un deal seulement pour Raw, ce qui est... je serais curieux quand même, je me dis, s'ils se lancent comme ça maintenant à diffuser Raw, est-ce qu'ils vont quand même... faudra quand même se payer WrestleMania, quoi, parce que s'ils veulent capitaliser là-dessus... Pas forcément avoir tous les pay-per-view, mais là, WrestleMania, c'est quand même le truc à diffuser. Donc, bon, même en décalé, ça serait plutôt sympa. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que on en arrive à une période où on grattait pour trouver quelle chaîne allait diffuser le catch en France. Et puis maintenant, on en a deux, voire trois, si on considère, je crois, RTL 9. qui fait un peu. Bah, je crois qu'ils reprennent les émissions d'AB1. Il n'y a plus sur RTL9, c'est uniquement AB1 maintenant. Ah, il n'y a plus sur RTL9. Ouais, ouais. Avant, ils avaient SmackDown sur RTL9 et Raw sur AB1, si je ne dis pas de bêtises, ou l'inverse. Ah, je crois que mais non, c'est peut-être la Belgique, en fait. Peut-être que c'est ouais, toujours en Belgique. Il y a RTL Belgique, alors je ne sais plus c'est quoi le nom de la chaîne, mais effectivement, ça passe aussi en Belgique en parallèle. Okay. Ouais, alors après, bon, il y a des bouquets où on a gratuitement AB1, je pense, mais c'est pas systématique. Bah, chez moi, j'ai pas. Mais en même temps, moi, je décide pas de mon. C'est un abonnement de l'immeuble, machin, etc. Donc, je décide pas vraiment de mon bouquet. Ouais, mais je pense pas que c'est quand même accessible partout AB1, alors que l'équipe 21, c'est accessible dans tous les foyers. Quoi. Je me souviens d'une époque où j'ai. Je me suis abonné à leur service de streaming. Ils ont un service de streaming, hein, AB1. Il est à chier. Le lecteur est pourri et l'image c'est presque pas du 720. Hein. C'est des moments, c'est même en dessous. Et j'ai regardé mes premiers premier pay-per-view, je crois il y a 4 ans, un truc comme ça. J'ai regardé mes premiers pay-per-view de la WWE sur le streaming d'AB1. Mais je vous le conseille pas, ça vaut même pas les combien c'était. Puis ça coûte rien du tout. Non, mais... ça coûte pas cher, mais ça vaut même pas les 5 euros ou un truc comme ça. Quoi. Mais donc, abonnez-vous au network. Le gros problème d'AB1 aussi, c'est que c'est pas en haute définition. Alors, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est un problème quand même un petit peu. Un petit peu embêtant, hein, de pas avoir la haute définition pour la WWE. Sur RTL9, ça passe en HD, mais pas AB1. Mmh. Alors bon, c'est pour ça que je regarde jamais les pay-per-views sur AB1, malgré que j'aime beaucoup les commentaires d'Ajus et Chéreau, parce que ça m'embête de regarder de pas le regarder en haute définition, hein, tout simplement. Ouais, Et bonjour à Riyad qui vient d'arriver dans le chat. Salut. Ouais, voilà, c'était cette petite news positive pour commencer le Talking Catch. Et on va passer à la seconde news. C'est pas vraiment une news, finalement c'est une espèce de merdier incroyable autour de John Cena. J'ai appelé ça Rey Mysterio, Undertaker, John Cena, la Road de Mania, pleine de work. Donc, rappelons que donc, John Cena a perdu au Rumble, et a perdu à l'Elimination Chamber. Il n'a pas de route pour WrestleMania, ou du moins on le pensait. Il a battu le champion de la WWE, hein, accessoirement. Oui, mais, voilà, non, mais justement, j'allais raconter la suite. Donc, il a suggéré au dernier Monday Night Raw qu'il allait affronter l'Undertaker. Le public était en plein yes, yes. Et juste après, il fait non, je blague. Finalement, non, ça sera pas possible parce que on m'a dit backstage, c'était pas possible. Et donc. J'ai un nouveau plan, rendez-vous demain à SmackDown, s'il vous plaît, montez les audiences, ils sont en train de couler. Et donc du coup, à SmackDown, il a réussi à avoir un match contre le champion AJ Styles pour une qualification pour le match, le désormais six-pack challenge pour la ceinture WWE de SmackDown. À Fastlane. Donc voilà, il a eu ce match contre AJ Styles, il a battu AJ Styles, donc désormais il a le droit de battre d'autres mecs pour ensuite avoir la ceinture d'AJ Styles. Si vous avez l'impression que c'est un peu en sens inverse, totalement. c'est quand même assez étrange. Navrant. Comme booking. Donc. Sauf que. Donc du coup, le match, oui, je précise, il y aura Ziggler, Corbin, Owens et Zayn, si je ne me trompe pas. Sauf que les médias catch sont en désaccord sur le futur de John Cena à WrestleMania. On a Justin Barrasso, donc de Sports Illustrated, qui nous a signalé il y a quelques jours que Rey Mysterio était à SmackDown pour régler les détails d'un match à WrestleMania, possiblement contre John Cena. Sauf que Dave Meltzer, de son côté du Wrestling Observer, il dit que le plan pour l'instant à Mania, hein, c'est bien Cena Undertaker, et la seule façon que ça n'arrivera pas, c'est que le Taker se blesse. Et en parlant de blessures, F4W Online nous rapporte, ça date d'à peine 24 heures je crois, que Rey Mysterio se serait blessé dans un tag team match avec Flip Gordon contre Joey Mercury et Caleb Conley à la Northeast Wrestling. Il se serait fait une déchirure du biceps. Aïe aïe aïe. Bref, Cena Mania, c'est un gros merdier. Alors, quelle est la meilleure issue de cette histoire, Ring? Est-ce qu'un Undertaker contre John Cena en 2018, ça vaut encore le coup? Et comment booker Mysterio à peine 3 semaines ou 4 semaines de WrestleMania et légitimiser ce match? Tu as 2 heures. Et en 300 caractères. Bon, moi, je suis... Team Dave Meltzer, hein, de toute façon. Effectivement, l'Undertaker s'entraîne pour affronter John Cena. Rey Mysterio, il a pas de contrat avec la WWE. Il a des engagements un peu partout. S'il débarque, je pense qu'il y aura un retour, hein, quand même de Rey Mysterio, même si maintenant qu'il s'est blessé, là, ce que tu m'annonces là, j'étais pas au courant. Ouais, désolé, je c'est un petit peu délicat. Mais j'ai vu ça ce matin. Ok, bon, bah après, il faut voir combien de temps il va être hors circuit. Bon, il faut savoir que c'est le catcheur le mieux payé du circuit indépendant. Hein. Rey Mysterio, c'est lui qui gagne le plus par apparition. Mmh. Tout va bien pour lui. Maintenant, on l'a revu au Royal Rumble. Clairement, on s'en va vers une nouvelle signature chez lui avec la WWE. Mais alors, il faut qu'il trouve un accord parce que, comme on l'a déjà expliqué, lui, il ne veut pas catcher à plein temps. Hein. Il veut un contrat allégé au niveau des horaires, des performances. Par contre, pour WrestleMania, effectivement, le plan, apparemment, hein, d'après ce que dit Meltzer, qui tombe rarement à côté, hein, quand même, Dave Meltzer, même si souvent ses propos sont déformés, quand il lâche une info, c'est que l'info est plutôt vérifiée. Le Taker est en train de s'entraîner, donc effectivement, pour que ça arrive pas, il faut que soit l'Undertaker se blesse, soit que John Cena se blesse. Voilà, ça c'est. Mais sinon, c'est parti pour ça. Effectivement, ils nous auraient pas teasé le match comme ça en disant que c'est impossible. Ils l'auraient pas mentionné à la télé pour pas du tout nous le passer derrière. Hein. C'est clair et net. Je pense que John Cena, il s'incruste dans le main event de Fastlane tout simplement pour booster un peu le pay-per-view. Ouais. Parce que ça reste le plus gros draw, hein, c'est-à-dire le mec qui ramène le plus de personnes, hein, John Cena. Ça reste la plus grosse star du show, hein, même si on essaie de nous le vendre comme un mec qui est sur le déclin, etc. Pour l'instant, Roman Reigns, il n'est pas encore au niveau. Donc voilà, pour sauver un peu Fastlane, je pense qu'il fallait mettre John Cena dedans, un peu comme pour l'Elimination Chamber aussi, quelque part. Voilà, pour moi c'est bouclé, ce sera Taker Cena. Alors bon, effectivement, au niveau de la qualité du match, les gens ont l'air sceptiques. Moi, j'ai pas trop de doutes sur la qualité. Je pense que John Cena, il est assez professionnel pour faire le taf. Il a combattu des bûches, hein, déjà dans sa carrière, hein, des Umaga, des Great Khali, des choses comme ça. Le Taker aussi, c'est quand même c'est pas n'importe qui, le Taker, même avec une hanche en moins, il arrive à sortir quand même un match qui vaut le coup. Je suis pas sûr que ce sera si dégueulasse que ça, ce match-là. D'ailleurs, je crois que c'est Ralem qui nous demandait ce qu'on attendait le plus comme main event pour WrestleMania. Hein. Est-ce que tu attends plus Reigns contre Lesnar, Taker contre Cena ou Styles versus Nakamura? Aucun des trois. Non, aucun des trois. Non. Moi, je suis plus méfiant sur le Lesnar Reigns au niveau de la qualité que du Cena Taker, hein, perso. L'embêtant dans ces trois trucs, c'est que là, depuis la semaine dernière, enfin depuis cette semaine, je trouve que la storyline qui est la plus intéressante commence à devenir Reigns-Lesnar. Franchement, le truc de fan de la New Japan et AJ Styles Nakamura, moi je m'en fous un peu. Le match ok, mais toute l'historique derrière, surtout qu'ils font rien avec. C'est-à-dire qu'ils nous la, ouais, carrément. Ouais. Ils nous redonnent pas l'histoire. C'est problématique. C'est-à-dire que faut qu'ils arrêtent de. Ils le font pas si souvent que ça, mais ils commencent à le faire avec Balor, etc. À faire du booking dream match, c'est-à-dire que y a plus besoin de faire une storyline. On dit aux fans, regardez, vous avez votre match, ça y est, vous l'avez votre et du coup, alors peut-être qu'il y a des fans qui sont déjà contents, Mais moi, j'ai envie qu'on me raconte une histoire sur eux, qu'on me réexplique, qu'on me la refasse cette histoire, ou qu'on la prolonge, ou qu'on fasse quelque chose, qu'on m'explique pourquoi ces deux-là qui se rencontrent, c'est important, pourquoi ils sont aussi talentueux, et quand même qu'il y a un petit travail au micro, etc. Et pour l'instant, il y a que dalle, quoi. Donc, AJ Styles, Nakamura. Match dream match pour les smart, mais derrière là, il y a pas de rivalité, il y a pas de build up, quoi. Donc Tu peux pas te baser sur ce qui a été fait à la New Japan Pro Wrestling pour vendre ton match à la WWE. Hein. Moi, je suis assez d'accord. Hein. C'est booking de feignant. Alors bon, Nakamura, il est toujours très populaire, tout comme AJ Styles. Mais on sait pas. Je comprends pas trop pourquoi, parce que le Nakamura à la WWE, il y a jamais rien eu d'exceptionnel. Styles, son règne actuel, je trouve qu'il est assez terne. Il vient de perdre contre John Cena. Dans l'absolu, SmackDown, c'est assez insipide, moi je trouve. Maintenant, le fait est que il n'y a pas de baisse d'audience de SmackDown, bien au contraire. Les gens sont hypés, Nakamura est toujours populaire, AJ Styles aussi, donc ça fonctionne ce qu'ils font, mais voilà, encore une fois, pour les suiveurs comme nous, je trouve que c'est un peu décevant. J'ai peur qu'ils nous sortent un match à WrestleMania à peu près du calibre de Baylor contre AJ Styles, qui était bien, mais qu'on a déjà oublié hein, quelque part, alors que c'était pas mal un dream match. Et c'est le problème, parce que quel que soit, pour moi, quelle que soit la qualité du match, bon, après je sais qu'il y a différentes perspectives hein, là-dessus. Il y a des gens qui adorent le fait que, entre guillemets, tout le storytelling se passe dans le match. Enfin, la New Japan fait ça, mais la New Japan le fait de façon tellement différente. Enfin, il joue vraiment énormément là-dessus. Le problème, c'est que même pour moi, même si c'est entre guillemets un 5-star match ou je ne sais quoi, si derrière il n'y a pas l'attention dramatique, s'il n'y a pas il y a pas une montée dramatique, et si finalement le match c'est juste. Voilà, c'est juste. L'attention dramatique se passe que à partir du début du match. Et finalement, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, pourquoi elle est là. Directement, tu vois, quelle que soit la qualité du match, directement, ça va pas être entre guillemets le meilleur match de la soirée, ce qui est censé, enfin ce qui est l'objectif de chaque main eventer, quoi, c'est de faire le match de la soirée. Donc ils ont quoi, 3 semaines pour se sortir les doigts du cul. C'est trois ça. ou quatre semaines. Mais ouais, Reigns, le virage avec Reigns, c'est pas ultra inventif, mais ça fonctionne. Là, par exemple, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils font avec Lesnar. Est-ce que ce qui serait intelligent, c'est que Lesnar ne vienne vraiment pas jusqu'au go home. Et là, ce serait vraiment, vraiment cool qu'il vienne au go home et que là, ce soit genre la bataille, quoi. Genre que bah qu'il nous refasse finalement le Taker Lesnar, quoi. Où ça se finit, enfin juste avant le match, ça se fout des coups dans la gueule, tout le roster vient les séparer, un truc comme ça, quoi. Et là il y a clairement un truc légitime, et je trouve que ça marche beaucoup mieux que Cena The Rock, parce que Cena The Rock, c'est genre un part-timer contre un quasiment no-timer. Genre, le Rock, j'ai eu du mal à être convaincu que le. Enfin, à détester le Rock parce que c'est un part-timer, parce que pour moi, c'est un retraité. Enfin, c'est un pré-retraité, quoi. Le Rock. C'est pas un mec qu'on voit tous les 6 mois, c'est un mec qu'on voit tous les 2 ans. Maintenant, tu vas pas le haïr, quoi. En plus, ils passent leur temps à dire ouais, bah, il fait un nouveau film, machin et tout. Entre-temps, quand il vient, il est au micro et tout le monde l'adore. Donc, c'est difficile de faire du rock aujourd'hui, de faire du rock un heel. Alors que Lesnar, pour le coup, même si c'était le grand héros qui défonçait Cena il y a quoi, il y a 2 ans, maintenant, c'est quand même le mec casse-pied qui a la ceinture et qui nous vole bah, la top card de Raw passe son temps à attendre Lesnar. Depuis 2 ans, ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est... Tu veux accéder au titre, bon bah va falloir attendre. Enfin, ils disent pas ça comme ça, mais c'est vraiment on ronge son frein jusqu'au pay-per-view où Lesnar va vouloir venir. Ce qui agace, je pense, les fans. Moi, ça m'a agacé avant. Je pense même avant qu'il y ait maintenant c'est l'opinion populaire. Je pense que moi ça m'a agacé assez vite ce truc de Lesnar et de la ceinture. Je m'en plaignais déjà, je pense, l'an dernier, parce que il y avait déjà du talent, et maintenant ils ont réussi à, avec cette Elimination Chamber, ils ont réussi à vraiment bien builder tout le monde avec le Rumble et Elimination Chamber. Clairement, là on a au moins une brochette de 5 gars qui sont dans la top card, qui peuvent avoir le titre. Donc Lesnar a plus vraiment de... Il n'y a plus besoin de Lesnar. C'est ça le truc en ce moment. Ouais, d'un point de vue scénaristique maintenant. Après, oui. S'ils peuvent leur signer Lesnar, ils leur signeront. Mais apparemment, on s'éloigne un peu d'une signature à nouveau de Lesnar. Le problème, c'est que on risque de se retrouver avec deux adversaires, deux main eventers de WrestleMania qui seront hués par la foule. Hein, parce que autant ça va être assez facile, je pense, de retourner le public contre Lesnar. Autant créer des pop et rendre Roman Reigns populaire pour WrestleMania avec le public de Smart qui est sur place, c'est délicat. Il faut que ce soit un match à stipu. Ouais, s'ils peuvent. Ouais, mais alors est-ce que Reigns, tu les stars sur le départ, il va s'amuser à faire un. À chaque fois que Reigns a fait un entre guillemets grand match, pour moi, à chaque fois c'était un match à stipu. Ouais. C'est Extreme Rules, c'est Cage Match, ça fonctionnerait pas avec cette histoire. Non, surtout pas à Mania. Non. Il faut que les gens puissent, du public puisse voir clairement. Ouais. Un Old Bard, ça peut être pas mal. Ou un mince. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non. Bref, sans décompte à l'extérieur ou un truc comme ça, quoi. Mais oui, parce que pour que Roman Reigns, ce qu'il fait le mieux, et je pense ce qu'il va faire le plus popper le public, détruire des barrières, détruire des tables, voilà, il faut que ça soit le bordel, ce match. Si c'est un match dans le ring, il y a très peu de chances que ça marche. Ouais, clairement. Donc voilà. Carrière match, nous dit Wolflow. Ouais, la carrière de Lesnar en jeu, ça peut être pas mal. Ouais. Contre quoi? Contre la carrière de Roman Reigns. Puis voilà, le perdant il s'en va. Ils vont jamais faire ça. Sacrifier la carrière de carrière Gargano. Contre cheveux. On coupe les cheveux de Roman Reigns s'il perd. Ouais. Mais bon, le sujet c'était John Cena contre Undertaker. Oui, alors, voilà. Ce sera bien Cena contre le Taker. Oui, je suis curieux du match. Je pense que, clairement, je pense que Cena peut. Beaucoup plus que Reigns peut amener le Taker à faire un match vraiment, vraiment cool, et surtout à jouer sur la dramaturgie, parce qu'on on a parlé dans le Cena Rollins, dans l'Iron, entre guillemets Iron Man match de Rollins, comme quoi Cena a fait un boulot fantastique pour vendre que voilà que Rollins c'était le babyface qui ne refuse jamais, qui n'abandonne jamais, et Cena était finalement presque le heel du match. Voilà. Cena wins, lol. Non. Allez, on va passer à News. Ah, si Cena, il serait temps de le faire clairement tourner heel. Peut-être avant que tu t'enchaînes, vu qu'on parlait de cette rivalité entre Lesnar et Roman Reigns, j'ai peut-être parlé de la petite news qu'il y a eu en house show, pardon, puisque Brock Lesnar était en house show, ce qui arrive à peu près une fois dans l'année, et il a affronté Kane pendant ce show en question. Et il s'avère que le match était en fait un squash de 35 secondes. Et il y a des petites vidéos qui ont du coup qui apparaissent sur internet où on voit que le public est pas content, du moins d'après ce qu'on nous dit dans les rendus. Hein. Quand on regarde les vidéos en elles-mêmes, bon, on entend des huées, mais c'est pas non plus une bronca anti-Lesnar. Mais en tout cas, on voit que même dans les house shows, ils font un booking de manière à ce que les gens soient déçus de la performance de Lesnar et commencent à avoir la haine contre lui. En même temps, voilà, je peux pas être trop déçu d'avoir un match pour Lesnar Kane qui se termine assez rapidement. Hein. C'est... Ouais. Je pense que ce serait plus embêtant d'avoir un match de 15 minutes entre les deux. Quand tu payes ta place pour voir Lesnar, je pense que tu t'attends à ce que ça ne dure pas longtemps non plus. Donc voilà, on voit que ça travaille là-dessus. On est clairement vers un turn de Brock Lesnar, hein, si on peut dire, qui sera le heel pour WrestleMania. Ok. J'avais prévu le visu en fait. Ah. Mais donc voilà, mais par contre, pas dans le même ordre, donc du coup j'ai un peu cafouillé, c'est pas grave. On va reprendre avec Sasha Banks qui apparemment est dans les bons papiers du bon vieux Vince. Donc Sasha Banks hein, qui était en interview sur alarabia.net. Le site de référence du catch. Le site de international. Référence, hein, juste en dessous de Dave Meltzer, nous avons Al Arabia. Et donc, Sasha, qui il y a peu cherchait un peu des crosses hein, aux écrivains de WWE, si vous vous souvenez, en interview, elle a sorti quelques trucs un peu polémiques. C'était il y a quand ? Je crois que c'était il y a quelques mois où elle n'était pas très contente de... Voilà. De la façon dont on traitait son personnage et comprenait pas trop. Et maintenant, elle nous dit, donc je cite, « Honnêtement, le plus important est de ne pas avoir peur de défendre son opinion. Si tu es passionné et investi dans quelque chose, il, donc entre parenthèses Vince, il est l'homme à qui parler. J'ai compris qu'au final, c'est assez facile de lui parler et c'est beaucoup mieux de le contacter que d'aller voir les writers. » Parce que vous avez la vraie réponse à votre question et vous l'avez rapidement. Je comprends ce qu'il veut de moi en termes de personnage. Ces derniers temps, c'est beaucoup plus facile de lui parler. Je me sens moins intimidé. Et ensuite, elle a rajouté, souvent, lorsqu'on me donne une promo et que je ne la sens pas trop, ou j'essaye de comprendre une histoire, si je ne sais pas où ça va, c'est difficile de la délivrer correctement. Récemment, je lui ai demandé, et Vince, où va-t-on avec cette histoire? Quelle est la direction dans laquelle je vais au final? Et avoir une réponse cash de sa part rend le processus beaucoup plus facile. Donc, est-ce que ça expliquerait un petit peu la qualité de... Enfin, la qualité. Plutôt bonne qualité de la storyline Banks-Bailey ces derniers temps. Est-ce que tu trouves qu'il y a du changement côté promo chez Banks? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Ouais. C'est vrai j'ai pas encore vu une promo où elle m'a mis sur le cul. Mmh. Mais écoute, c'est bien si elle se rend compte qu'effectivement, faut prendre les choses en main quand tu vois que ton histoire, elle va un peu nulle part et que c'est pas clair. Parce que si c'est pas clair pour le catcheur, il y a peu de chances que ce soit clair pour le spectateur et le téléspectateur. Et dans le catch, il faut quand t'es un catcheur, même si bon, j'ai aucune expérience là-dedans, hein, je dis ça comme ça, mais il vaut mieux que tu fasses attention à ton personnage et faut pas hésiter à s'imposer face au booker quand on sent qu'il y a une idée qui peut être néfaste pour ton personnage. En kayfabe, hein, je veux dire que ça détériore l'image. On voit qu'ils ont du mal de toute façon à créer des superstars. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont racontées dans le podcast de Stone Cold ou même d'autres catcheurs qui font enfin d'autres vétérans de la WWE qui font des podcasts. Edge ou autre, il y a plein d'histoires comme ça où ils vont voir quelqu'un, ça marche pas à chaque fois, hein. Il y a des moments où ils se font renvoyer chier, mais ouais, il y a plein d'histoires comme ça de l'attitude des rats où les mecs ils veulent se faire respecter, ils veulent que ça respecte leur personnage. Et Stone Cold, je crois, il était vraiment un spécialiste de ça, genre s'il y a un truc qui est pas cohérent, qui va pas, ouais, tous les plus grands, Stone Cold, Shawn Michaels, Hulk Hogan, c'est des mecs qui ont fait jouer ce qu'on appelle les politiques entre guillemets, C'est pas toujours néfaste puisque ça peut permettre d'améliorer les storylines au bout du compte parce que tout est organisé, mais il peut y avoir des catcheurs qui refusent de se coucher, qui refusent de prendre une défaite parce que ça ferait du mal à leur personnage. Ça arrivait souvent tout au long de la carrière de Michaels, Dogan, Bret Hart et compagnie. Hein, c'est Bret Hart, ça n'a pas fonctionné à chaque fois. Hein. Ouais, oui, ça marche pas à tous les coups. Maintenant, voilà, si elle se rend compte qu'effectivement il faut s'imposer, surtout plus on est haut, plus dans la carte, plus c'est facile de s'imposer face à Vince, qui quelque part recherche ça aussi. C'est ce qui fait défaut, je pense, à pas mal de superstars qui sont haut placés à la WWE, notamment les trois du Shield, qui on sent que ce sont des yes men qui font simplement ce qu'on leur demande. Par exemple, Rollins, je comprends pas comment il s'est laissé traiter de la manière dont il a été traité cette dernière année là, avec ce face turn qui a duré un an et demi, et puis le fait d'être placé dans la carte avec Jason Jordan. Ça, c'est un truc, je pense, Shawn Michaels, Bret Hart, toutes des choses comme ça, aurait jamais accepté. Il faut être au top, oui, il faut être ou pas, quoi. Et c'est sûr que, alors, en plus, au niveau des filles, on voit qu'au niveau du booking des scénaristes, ils s'investissent moins que sur les mecs. Hein. On nous vend toujours les grands événements, on fait l'histoire, etc. Mais en weekly, quand on est un peu sur des intrigues qui ne tournent pas autour de la ceinture du titre ou de grands événements comme ça, comme le premier Hell in a Cell ou des choses comme ça, on voit que c'est un peu bâclé. Donc effectivement, si elles ne prennent pas les choses en main, ben on se retrouve avec ce qu'on s'est retrouvé depuis des mois et des mois, cette rivalité qui va nulle part. C'est rassurant si au final, on nous apprend qu'elle a une réponse de Vince. Y a des bonnes rumeurs sur un match Sasha Bailey à WrestleMania. C'est la news d'après. Voilà. Si on a le payoff à Mania, on n'aura pas subi tout ça pour rien. Quoi. Donc, c'est marrant comme la WWE, c'est... comment ? Des moments, ils bookent les rivalités. Ils pourraient faire ça naturellement et qu'on apprécie toute la progression, mais en fait, non, ils font que de la merde jusqu'à ce qu'on soit tellement frustré que dès qu'ils font quelque chose, même si c'est pas exceptionnel, on fait waouh. Genre, Sasha contre Bailey, tu vois, ça fait genre deux ans, trois ans qu'on l'attend. Donc là ils le font, c'est pas formidablement écrit pour l'instant, mais donc voilà. Juste dans le chat, on a Maxence qui nous dit tu n'aimes pas le Monday Night Rollins ringside. Si, je pense que on si, en a parlé. Si, j'aime beaucoup Monday Night Rollins, c'est tout ce qui a été fait avant que j'aime pas, c'est différent. Ralem qui demande un career match Sasha Banks Bailey, on va se calmer là. ça fait juste. Non, on va les garder quand même un peu. Ouais, voilà, ça fait juste deux ans qu'elles sont là, donc bon. Sully qui nous dit justement, enfin, il reparlait de Reigns, tout ça. N'est-il pas un travail fait pour que Reigns gagne un max de hit envers lui en prévision de son futur reign et dans le but que ça soit accepté? C'est totalement ça, ouais. Pour la promo de Reigns et puis tout le cinéma autour de Lesnar. Qu'est-ce que j'allais dire, oui, au niveau de, juste pour parler deux secondes de Rollins, j'étais curieux voir ce que t'en penses, la petite phrase qu'il a sortie juste avant que juste après que Balor ait gagné contre le Miz, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un truc qui était écrit, ça? Quelle petite phrase? Alors il a sorti, il a dit, franchement il vient de battre il vient de battre le Miz juste après que je l'ai battu, je suis pas impressionné du tout. Et j'ai trouvé ça genre, c'est sacrément méchant en fait. Est-ce que c'est vraiment un truc, c'était comme ça qu'il devait le sortir là? Alors écoute, je sais pas, alors j'ai pas eu d'infos là-dessus, mais en même temps voilà, par exemple. Ça, c'est une phrase à sortir, voilà, parce que le booking, il est idiot de faire affronter Finn Balor au Miz après Seth Rollins. Le Miz, c'est le méchant dans l'histoire, il a un traitement injuste. Donc ça, c'est idiot. C'est finement joué. Après, alors malheureusement, je ne sais pas, j'ai rarement vu, j'ai l'impression, Seth Rollins sortir de ce qui avait été écrit. Ouais, bah oui, non, c'est pas du genre, quoi. Mais... première, mais c'est-à-dire que c'est une phrase un peu moqueuse sur le booking, quoi. Donc du coup, Ah bah clairement, ouais. Ou alors c'est les mecs qui se rendent compte de ce qu'ils font. T'as les mecs qui écrivent une partie du show, puis il y a des autres mecs qui écrivent l'autre partie du show, et puis ils voient la première copie, et du coup ils font ça c'est de la merde, donc du coup Seth il va dire c'est de la merde. Ou alors c'est les mecs qui sont... Ouais. Sont conscients que c'est idiot ce qu'ils font et puis ou je sais pas ouais. ils ont déjà envoyé la copie ils ont déjà envoyé le booking de match je sais pas moi au responsable et donc du coup ils se rattrapent avec les promos c'est étrange donc Sasha Bailey on va continuer à en parler puisque c'est une nouvelle fois décidément c'est la source c'est un peu Dieu le Wrestling Observer qui nous annonce que les officiels de la WWE ont bien l'intention de programmer Banks contre Bayley à WrestleMania sans aucun titre en jeu, ce qui est logique vu ce qui se passe en ce moment, une rencontre historique qui serait donc la première fois que deux femmes se battent sans titre en jeu à WrestleMania et sans stipulation. Des moments, ça me fait marrer comme tu cherches la première fois. Quoi. Alors, c'est la première fois de quoi Ça va être difficile à incruster pendant Mania sur le... en dessous de l'annonce du match comme ça. Il y a le Twitter de WrestleVotes qui nous précise que le seul autre match donc, du coup, qui respectera un petit peu ces conditions serait un match de WrestleMania 2000. Un cat fight entre Terry Reynolds et The Cat avec Famulus Moolah et Val Venis en ringside. Voilà pour les curieux si vous voulez aller voir l'autre révolution du catch. Vous pouvez aussi ne pas aller le voir. Ne pas aller le voir. Et alors, du coup, ouais, ma question, bon, c'est un peu une question troll parce que. Il y a très peu de chances que ça n'arrive pas, mais est-ce que tu crois vraiment à cette carte, enfin ce Bailey Sasha Banks sur la carte principale, ou est-ce que tout ça va se finir en tag team match en pré-show? Ouais, Sasha Banks versus Bailey en kick-off, nous dira Alain, pourquoi pas. C'est l'un ou l'autre, ça peut être une tag team, merde, Bailey... Putain, je cherche une face là à Monday Night Raw. Non, mais oublie, ce sera pas tag team, elles vont s'affronter. Ouais, alors, c'est ce qu'on nous dit souvent quand on écoute le Wrestling Observer, c'est que c'est le plan à l'heure actuelle. Maintenant, les plans, ils peuvent changer à tout moment. Hein. Ouais. C'est officiel le jour J, hein, c'est tout. Maintenant, si ça se fait, j'espère que ce sera sur la carte principale et j'espère que ce sera en 1 contre 1. Tout le reste, ce serait une énorme déception. Énorme déception, du gâchis. C'est quand même les deux. Pour moi, Sasha Banks, de toute façon, c'est la meilleure catcheuse du circuit. Bailey, quand elle est contre Sasha Banks, on sait ce que ça donne. Hein. On a vu à NXT TakeOver les matchs que ça peut donner. Elles font ça sur WrestleMania. C'est sûr qu'elles ne vont pas bâcler le match. Ça risque d'être assez spectaculaire. Il faut quand même se souvenir que les filles, elles avaient sauvé un WrestleMania il y a 2 ans, je crois, qui était vraiment pas bon. Charlotte. Charlotte, je crois que c'était Sasha, Charlotte et Becky, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, parce que Bailey n'était pas encore arrivé. C'est ça. Donc les filles à WrestleMania, surtout les deux là, ça peut donner quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut pas sous-estimer la chose. Donc si c'est autre chose que cet affrontement-là, pour moi, ce sera une grosse déception et ce sera un gâchis complet. Bon, en parlant de gâchis complet. Ah, je crois qu'il y a des choses à faire quand même. On va parler. De Neville, et désolé, j'ai trouvé une photo en speed, donc du coup c'est Neville quand il avait quoi, 19 ans. Je sais pas, il est tout jeune, tout frêle. Merde, j'arrive pas à agrandir cette photo, c'est pas grave. On est toujours dans la merde au niveau de la production. Neville, de retour, c'est ce que suggèrent les rumeurs. Une nouvelle fois venue du Wrestling Observer, les négociations entre la WWE et Neville ont repris. Rappelons qu'il est parti du coup de Monday Night Raw en octobre dernier. Hein. Il n'a pas été viré, mais son contrat est gelé pour cause d'inactivité. Ça, je ne savais pas, par contre. Donc, du coup, ça veut dire que il n'y a pas de... Là, il n'est même pas en train d'attendre la fin de son contrat. Il est gelé. Donc, ouais, pas plus de détails. Je ne comprends pas trop ça, comment ça fonctionne. C'est assez bizarre comme... stipulation dans ton contrat. Mais bon, qui sait, c'est les États-Unis, hein, donc j'imagine qu'on peut marquer un peu n'importe quoi sur un contrat. Et donc, je disais, ouais, il n'y a pas plus de détails sur l'histoire, mais quand même, ces nouvelles discussions elles coïncident avec le virage de 205 Live avec Triple H aux commandes, Rockstar Spud, aka Drake Maverick en GM. Et bien sûr, le dégagement de Enzo Amore du roster après les accusations de viol dont on a parlé dans le dernier Talking Catch, si vous êtes intéressé par les détails sordides. Donc, ma question, c'est comment t'imagines le retour de Neville? Et la petite question troll, c'est est-ce que c'est une bonne décision pour lui ou... Ou tu lui conseillerais de partir ailleurs? Ouais, enfin, une fois que c'est réfléchi là-dessus, moi je comprends pas comment il va pouvoir revenir, Neville. Déjà parce qu'il retournera pas, je pense, à 205 Live. Puisque de toute façon, c'était un des problèmes de son traitement, c'était qu'il était à 205 Live. Il va être dans le roster principal. Maintenant il va arriver dans le roster, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui dans le roster? C'est blindé de chez blindé. Si le mec est pas content dans la compagnie, c'est sûr, ça va pas changer du jour au lendemain son traitement, la façon de fonctionner d'Euro. Ouais. À moins que ça devienne le nouveau chouchou des bookers qui lui déroule le tapis rouge, mais je vois pas pour quelle raison. C'est une situation délicate. Apparemment, c'est difficile de casser le contrat avec la WWE, donc il aurait pas trop le choix. Donc, à mon avis, ils vont lui préparer une rivalité pour son arrivée. Et puis après, il va retourner à VGT dans le roster jusqu'à ce que son contrat se termine, je pense. Hein. Je vois pas d'autre solution. Hein. Je pense que de toute façon, là, s'il revient, ce sera parce qu'ils n'auront pas voulu le laisser partir. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il... Enfin, pour moi, il n'y a qu'une solution pour qu'il revienne et qu'il ait vaguement une chance, c'est qu'il revienne dans un des rosters principaux, en fait. Parce que 205 Live, maintenant, c'est mort, ils sont repartis sur une autre dynamique. Ramener Neville, ça ne fonctionnerait pas parce que... Et puis surtout, je crois que t'es moins payé à 205 Live aussi. Hein. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Il veut pas être toi à 205 Live, hein, Neville. Oui, voilà. Il y avait cette rumeur-là comme quoi finalement, son souci, c'est juste qu'il veut revenir dans le roster principal. Moi, je dis, avec tout le... Comment ? Avec tous les soucis qu'ils ont en ce moment... Enfin, les soucis... ça c'est une des news que j'ai pas noté, mais il y a clairement des sources de la WWE qui ont raconté il y a pas longtemps que les dirigeants sont au courant que SmackDown en ce moment c'est de la merde, enfin que ça marche pas, que tout le monde se plaint, enfin que personne n'est content, que ça soit les catcheurs ou les fans, hein. Je veux dire, si vous regardez tous les podcasts américains en ce moment, il y a personne qui va dire du bien de SmackDown quasiment. Donc l'histoire de redonner un petit coup de boost à SmackDown après Mania, je pense que Neville, ça sera un bon investissement. Ouais, hein. ça peut être une bonne place pour lui. Mais ils ont déjà, si tu regardes SmackDown, ils ont déjà un très bon roster, mais ils en font rien. Donc après, ils peuvent le rajouter et continuer à faire de la merde, ça change rien. Mais effectivement, parce que après sur Raw, je vois mal qu'est-ce qu'il peut faire. C'est tellement blindé de chez blindé. Ok. Donc voilà pour cette petite news sur Neville. Et là, enfin pas la dernière news parce que t'as un petit une petite autre news à nous dévoiler juste après. Mais ma dernière news à moi, c'est Kenny Omega. Kenny Omega explique pourquoi il n'a pas signé avec la WWE. Enfin, il avait déjà expliqué, mais j'ai trouvé cette fois-ci, c'était un peu plus, comment dirais-je, c'est un peu plus mesuré. Il y a pas de troll, il y a pas de kayfabe dans sa réponse. C'est un extrait une réponse qu'il a donnée au chat pendant un stream qu'il faisait sur le Twitch, twitch.tv/beingtheelite, où Kenny Omega et Kota Ibushi stream de temps en temps de jeux vidéo, tout ça. Bref, il répondait au chat et il a dit: pour répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que je vais aller à la WWE? Pour l'instant, la réponse est non. J'ai trop de plaisir à faire ce que je fais en ce moment. C'est important pour moi dans mon boulot de sentir que je fais avancer les choses. Je ne veux pas être un robot, être contrôlé, même s'ils ont beaucoup de très grands talents et certains de mes meilleurs amis sont à la WWE. Je leur souhaite le meilleur. Mais avoir la liberté de raconter le type d'histoire que je veux raconter avec les meilleurs talents au monde, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Donc, là, c'est moi qui parle, hein, je ne cite plus. Mmh. Pour moi, clairement, Omega explique qu'il ne va pas aller à WWE si c'est pour suivre une storyline de merde à SmackDown. Mais est-ce que qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Omega aurait un traitement spécial à WWE? J'ai noté un peu à la Jericho, c'est-à-dire que Jericho, c'est le mec, c'est un des rares mecs aujourd'hui qui, quand il bosse à la WWE, bah, il choisit qui écrit ses promos, il peut les réécrire s'il veut, ou alors est-ce que finalement il en demande trop et il en demande trop. C'est pas comme s'il faisait la demande directement à la WWE, mais je veux dire, j'imagine que si un jour il y avait des négociations, il demanderait ça, c'est-à-dire une liberté plus grande que 99% du roster, quoi. C'est ça. Alors, je vois mal avoir un traitement à la Chris Jericho, parce que je suis pas sûr que Vince McMahon, malgré tout, connaisse Kenny Omega. Au mieux, un traitement à la AJ Styles. Ouais. Mais voilà, ça vient, quoi. Le traitement de Styles. Exactement. Voilà, Styles, il a un traitement de main eventer, mais il n'a pas la liberté, visiblement, de faire ce qu'il veut. Ou alors, il n'est pas un très bon booker pour lui-même. Après, Stephanie McMahon, dans une interview, avait dit que la WWE allait se lancer un peu dans des intrigues et des segments un peu gay-friendly. Donc, Kenny Omega, ouais, ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour Kenny Omega. Les Golden Lovers. Les Golden Lovers à la WWE. Donc, pourquoi pas s'il veut faire bouger les choses comme il le fait au Japon. Déjà, il faut qu'ils embauchent les annonceurs japonais. Ouais, parce que non, mais il y a concrètement, il y a aucun intérêt. Mais il y a aucun intérêt pour Kenny Omega à l'heure actuelle, à l'instant où on se parle, d'aller à la WWE. Et là, il est en train de faire un truc énorme au Japon. Being the Elite, c'est incroyable. Ils ont le All-In qui arrive. Ils sont en train de construire leur business de leur côté, hein, donc ce serait un peu idiot. Ouais, c'est ce dont on parlait aussi sur Skype. Là, je te disais, je trouve ça assez hallucinant à quel point il sait rebondir dès que quelque chose termine là à la New Japan. Il arrive toujours à rebondir sur la storyline là entre le Bullet Club, Cody Rhodes, la tension qu'il y a eu et qui a été teasée dans Being the Elite et ensuite Cody Rhodes qui du coup va pour frapper Ibushi, je sais plus, c'est à la fin d'un tag team match là il y a pas très longtemps. Omega qui arrive, qui dit non. Et cette séquence où Omega va pour où Ibushi va pour prendre Omega dans les bras et tout, enfin bref, je trouve que leur storyline passe tellement de genres différents. En fait, il est quand même passé de genre la grosse rivalité virile avec Okada à une tension de gang à désormais une bromance avec Ibushi. C'est assez incroyable comme il arrive à transformer tout, et on sent que c'est un mec finalement ce serait peut-être un très bon écrivain de rivalité, Omega. Ouais, ah, il ajoute une touche vraiment innovante au catch, vraiment des choses qu'on a jamais trop vues, surtout dans la manière de gérer ça. Il aurait pu s'endormir hein, sur le Ouais. Bullet Club, hein. Rester le leader du Bullet Club, attendre patiemment son heure pour revenir dans une rivalité avec le champion Okada ou quel qu'il soit d'ici là, hein, même si j'ai pas l'impression que ça va bouger de Okada avant un moment à la New Japan, mais voilà, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, donc Kenny Omega, leader du Bullet Club, qui vient de se faire renverser en quelque sorte, putsch de Cody Rhodes. Qui est donc maintenant le leader. Donc tout ça, ça passe par des segments à la New Japan, à la Ring of Honor, sur le YouTube, la chaîne YouTube Being the Elite, parce qu'il y a aussi les Young Bucks qui sont impliqués, puisque les Young Bucks, hein, qui étaient un peu les bras droit et gauche de Kenny Omega dans The Elite, bah, se retrouvent maintenant rivaux, puisque tous les deux, d'un côté Kenny Omega avec Ibushi, et les Young Bucks, qui décident de monter dans la division Heavyweight Tag Team, vont se retrouver dans un match. Donc ils vont s'affronter, ce qui va être sûrement excellent. Ouais, le point de départ, c'est Omega qui dit à la fin de, je sais plus, leur premier match tag team avec Ibushi, enfin leur premier match du moins de cette année en tag team, qui dit bah on est la meilleure tag team sur Terre. Forcément, c'est un peu le gimmick des Young Bucks. Donc voilà, les Young Bucks qui ont décidé de justement aussi de prendre de la musculature pour s'insérer comme ça dans les heavyweight, alors qu'ils étaient champions des juniors pendant très Il n'y a très pas si longtemps, ouais, longtemps. ils ont le record, ceux qui ont gagné le plus souvent la ceinture. Voilà, Ibushi, Omega, donc c'était une tag team qui était à la DDT, la fédération D'accord. japonaise un peu barrée, et ils reviennent là, donc à la New Japan, continuer leur histoire. Les Young Bucks, bon bah c'est vrai que c'est la meilleure équipe du monde, hein. Je vais pas, on va pas tortiller du Chacun popotin, hein. C'est ses goûts. Chacun chacun ses ses goûts. goûts, mais quand même c'est difficile de Je faire suis pas mieux. Il y a de le plus grand très fan. bonnes, Ouais, voilà, ouais. je suis pas le plus grand fan des Young Bucks. Je reconnais. Non, mais je passe du bon temps hein, quand je regarde les Young Bucks. Ils ont pas. C'est pas exactement le style que j'adore. Par contre, enfin, disons que c'est pas le style que j'adore pour des champions tag team. Par contre, c'est peut-être l'aspect justement un peu divertissement, etc. De leur catch qui fait que des moments c'est un peu too much pour moi. Mais sinon oui. Et il y a pas très longtemps j'ai vu justement ils avaient un trio. Oh, c'était quand bref c'était je pense au début de l'année. Il y avait Omega les Young Bucks contre je crois Roppongi Friké quelqu'un d'autre je sais plus. Et c'était un comedy match mais ils étaient excellents quoi. J'ai pissé de rire pendant tout le match. Omega aussi est Oui. incroyable là-dessus où il peut passer Même beaucoup de d'humour, hein. ouais voilà il peut passer du truc le plus des moments c'est pipi caca quoi au truc le plus viril quoi ouais donc Ouais, c'est c'est ça. Ils hésitent pas à se ridiculiser eux-mêmes, à jouer la carte de l'humour. On se prend jamais trop trop au sérieux. Mais en attendant, ils sont en train de monter de leur côté un truc historique. S'ils arrivent à faire un succès du show All In là, qui arrive en septembre, qui devrait se passer à Chicago. Ils vont normalement donner l'emplacement cette semaine. Ils vont annoncer D'accord. la news. Bah, ils auront fait quelque chose dans l'histoire du catch qui va rester dans les annales, hein, tout simplement. On a eu aussi un petit teasing, je ne l'ai pas noté dans les news, on a eu aussi un petit teasing de CM Punk hein, qui a eu une sorte de quelques Ouais, petit échange sur questions-réponses, Twitter. voilà, échange sur Twitter avec Matt Jackson, peut-être, je crois. Je sais plus. Ouais, des deux. Et donc voilà où il se teasait genre oui on te voit en octobre et tout. Enfin je sais plus CM Punk qui dit bon bah je vous vois en octobre. Mais en fait je crois qu'en octobre CM Punk il participe à un marathon genre un demi-marathon et donc du coup il y avait tout un jeu de mots là-dessus de marathon et donc du coup CM Punk fait semblant qu'il va peut-être venir à All-In, alors que finalement, à mon avis, il ira que à cette espèce de marathon de Chicago. Peut-être dans le public de All-In, mais... Oui, voilà, peut-être dans le public, histoire que... Enfin, ça va faire chier, à mon avis, ça va les faire chier, l'équipe du Bullet Club, si Punk, il arrive et fait « Non, mais juste le public, dans le public. » Puis, c'est genre... Enfin, CM Punk, c'est le mec qui va leur ramener de l'audience s'il est annoncé. S'il n'est pas annoncé et qu'il est juste là, bon, on s'en fout, quoi. Enfin, on s'en fout. C'est bien, mais ça vend pas des places. Voilà. Du coup, tu avais, je crois, une news sur la Fox. Alors, la Fox et la WWE, c'est l'époque de la renégociation des droits pour la WWE, pour les droits télé. Les six importants droits télé de la WWE, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui rapporte le plus de pognon à la WWE. Et bah, tout ça se présente plutôt bien, puisque visiblement, le réseau Fox est intéressé par les droits de la WWE. Donc ça si c'était validé, donc pour l'instant on est sur l'USA Network si je dis bêtises pour Monday Night Raw et compagnie, du coup ça passerait sur la Fox. Et le changement le plus important, si tout ça était validé, c'est que Monday Night Raw reviendrait à la durée de 2 heures, tout simplement parce que sur la Fox, à 22h, vous avez les news, l'émission d'information, le journal télé de la Fox qui ne va pas bouger de place. Donc, on sera obligé de revenir à un format de 2 heures de Monday Night Raw. Ce que beaucoup de spécialistes considèrent comme plutôt une bonne chose, puisque on sait que, et ça tout le monde se plaint, Monday Night Raw, c'est beaucoup trop long. Tout ça se présente très bien pour la WWE. On parle même peut-être de nouveaux programmes qui seraient créés pour combler un peu les grilles des chaînes Fox Sports, Fox Sports 1 et 2, puisque à l'heure actuelle, d'après ce que je lis sur le site Vox Catch, là, je ne vous cache pas mes sources. Notre nouveau partenaire, voilà. La Fox qui diffuse actuellement l'UFC, risquerait de perdre du coup les droits de l'UFC et en contrepartie changer ça par les programmes de la WWE. Et donc il y aurait peut-être besoin de créer également d'autres programmes. Mais en tout cas, ma question ancre, puisqu'il y a toujours une question. Merde. Est-ce que pour toi, ce retour de Monday Night Raw à 2h, ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose ? Il n'y a pas eu un débat déjà là-dessus ? C'est possible, à peu près toutes les semaines quand on commente. Ouais, cette semaine, on ne fera pas de débat parce que l'émission est un peu longue et puis de toute façon, je n'ai pas de sujet. Donc on... le retour à 2h. Oui, mais ma question, parce que j'en ai une moi aussi, c'est l'émission de news, elle dure combien de temps en fait ? L'émission de news, c'est-à-dire le journal... Ouais, le journal machin, parce que si c'est un journal de 5 minutes, ils peuvent mettre Raw dans une petite case ou un truc du genre. Non, je pense que c'est une émission d'information qui doit durer une heure, un truc comme ça. Okay. Ça a visiblement, un rendez-vous indéboulonnable de la Fox, un truc qui doit cartonner en audience. C'est la seule... C'est vrai qu'en fait, la dernière fois, on réfléchissait à comment faire... pour en arriver à un road de 2 heures, et c'était super compliqué, quoi, parce que le sacrifice du budget, enfin du pas du budget du des recettes pub est trop important. Si la Fox balance un gros chèque à la WWE et leur dit ok, vous gagnez combien avec vos pubs, ok, moi je suis pour, tant mieux, on est d'accord, totalement pour. Sur 3 heures de Raw, de toute façon, déjà sur 3 heures de Raw, il y a une demi-heure de pub. C'est 2h30. Ouais, voilà, c'est 2h30 quand on le regarde, nous, légalement. Sur ces 2h30, voilà, il n'y a pas grand-chose enfin, il n'y a pas grand-chose, justement. C'est facile de trouver les endroits du show qu'on peut supprimer. Bray déjà, Wyatt. Tu fais plus des segments d'une demi-heure, tu fais des segments d'un quart d'heure. Oui, voilà. Bray Wyatt, Matt Hardy, vous le foutez pas toutes les semaines. Voilà. Ça, voilà. Déjà, on a ça. On n'a pas besoin de les voir toutes les semaines. Les tag teams, s'ils ont rien à faire, ils font pas un match. S'ils ont rien, ils ont rien. Vous les faites pas catcher. Enfin, les champions, hein, mais. Les champions, s'il y a une histoire à faire avancer, vous faites avancer l'histoire des champions sur un segment de 5 minutes au micro et vous les faites pas catcher pour rien. Il y a plein d'endroits où vous pouvez supprimer le match. Enfin, il y a des matchs bouche-trou tout le temps à Raw, quoi. Il y a énormément de choses qu'on peut supprimer. Donc, à ceux qui peuvent. Le seul argument que j'imagine, les gens qui veulent garder 3 heures, le seul argument, ce serait « Oui, mais on va pas voir tout le monde, etc. » Il n'y a pas besoin de voir tout le monde. Et c'est encore pire pour certains des catcheurs de les voir toutes les semaines. Parce que quand t'as un catcheur qui est pas parfait tout le temps, ou par exemple, il y a un mec qui est un peu faible au micro, ou qui est pas encore parfait dans le ring, etc., si on le voit toutes les semaines, c'est comme ça que ça devient agaçant, ou que ça renforce les faiblesses d'un catcheur, ou ça renforce... par exemple, je sais pas, moi, on va prendre NXT. À NXT, Patrick Clark ou le Velveteen Dream, on l'a très peu vu dans sa progression vers un meilleur... Enfin, pour devenir un meilleur catcheur. Il a disparu, le Patrick Clark, entre guillemets, il a disparu pendant très longtemps avant qu'on le retrouve comme Velveteen Dream. À Monday Night Raw, cette disparition, elle aurait duré, genre, il aurait été là toutes les semaines, à plus en pouvoir, parce qu'il y a besoin d'adversaires pour je ne sais pas qui, etc. Et donc, du coup, il se serait fait squasher. Et là, le public aurait directement identifié, ok, Patrick Clark, c'est un loser. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont tenté Patrick Clark, ça a pas marché. Au bout de un mois, hop, on le fait disparaître. Ou alors, je crois qu'ils l'ont fait revenir une ou deux fois. Mais bref, à NXT, quand t'as un mec qui marche pas, on le revoit pas tout de suite. Il y a une réflexion en coulisses, et la prochaine fois, on a une nouvelle idée, on a un nouveau truc. Il y a besoin de ça en fait à Raw. C'est-à-dire que s'il y a non seulement pour apprécier encore plus les feuds, mais aussi pour aider ceux qui ont besoin de travailler de leur côté, il faut leur laisser du temps, et il faut leur laisser une semaine où ils doivent bosser sur la prochaine étape, etc. Après, sur NXT, c'est que ça reste la branche de formation, hein, de développement. Oui, oui. Donc, effectivement, des fois, on teste, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a des gens qui viennent là juste pour se tester un peu devant les caméras et puis repartir dans l'ombre après. Mm-hmm. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que de la vie de tout le monde, que ce soit les spécialistes, les spectateurs, Vince McMahon lui-même, 2h30, c'est trop long. S'il pouvait revenir à 2h, Vince, il le ferait tout de suite parce que c'est plus simple. Mais et puis ils ont des problèmes aussi de planning avec des émissions aussi longues. Comme tu multiplies tes chances d'avoir quelqu'un qui est indisponible, quelqu'un qui est blessé, ouais, voilà, etc. Tu dois faire des remplacements tout le temps ou des réécrits tout le temps, parce que il y a tellement de gens qui sont bookés dans le show que t'as une chance sur 10 qu'il y a un souci, quoi. Voilà, donc ce serait alors rien que du fait de cette annonce de savoir que la Fox est intéressée, quoi qu'il arrive, on sait que la renégociation des droits de télé, je pense qu'on peut s'avancer à dire que ça va être un succès pour la WWE et qu'ils vont se faire un pognon monstrueux. Tous ceux qui ont envisagé la chute de la WWE en 2019 ou un truc comme ça, parce que soi-disant les ratings de SmackDown sont pas terribles, il y a une chute dans la troisième heure de Monday Night Raw, tout ça c'est pas grave, il y a deux gros networks qui sont en train de se faire la guerre maintenant pour avoir les droits, donc je pense que ça va être gagné quoi qu'il arrive pour Vince. Le truc, c'est que, enfin, s'il y a des gens, je suis pas persuadé qu'ils sont très nombreux, mais s'il y a des gens qui de temps en temps pensent que la WWE va couler ou je ne sais quoi, c'est des gens qui se rendent pas compte de ce que c'est en fait la WWE. La WWE, c'est pas Monday Night Raw, c'est pas SmackDown et Monday Night Raw. La WWE, c'est des produits dérivés, des films, des partenariats, des jouets, des... Enfin, la WWE fait un pognon. Et techniquement, si on enlève le catch, si on prend que tous les business qui sont reliés au catch, mais qui ne sont pas du catch à la WWE, ça représente déjà, je pense, un bénéfice assez incroyable. Et c'est pour ça que finalement, même s'il y a des périodes un peu moins, genre au niveau audience ou quoi que ce soit, de l'autre côté, il y a tellement de trucs qui font du pognon. Le merchandising, ça fait un pognon monstrueux. La WWE, pour une superstar qui marche, il y a un nouveau t-shirt toutes les 3 semaines ou tous les mois. Et les gens les achètent, vous les voyez dans les shows. Donc ça marche, quoi. Et il y a un truc quand même incroyable, parce que c'est... J'aime bien rappeler à quel point Vince McMahon, c'est un négociateur incroyable. L'audience de Raw ou SmackDown a peut-être diminué d'année en année, mais eux, ils ont gagné plus de pognon, puisqu'ils ont négocié à la base les droits télé pour être à chaque fois gagner plus d'argent chaque année. Les droits augmentent chaque année. Et les house shows, moins de fréquentation, ils ont augmenté le prix des billets, ils ont moins de gens qui viennent, ils se font encore plus de pognon. Comment ? Ouais. Ils ont, je pense, pris note de toutes les erreurs qu'ils ont pu faire au cours des années dans la gestion de fait de faire des shows de catch et des choses comme ça, les points noirs, les problèmes. Et maintenant, c'est tellement rodé qu'il y a, vraiment, pour moi, il y a zéro chance que ça se casse la gueule. Et le public, ça te montre, enfin, je pense qu'on est dans une époque où, du coup, c'est pas que le catch est devenu plus populaire, mais c'est que les fans de catch sont devenus encore plus investis qu'il y a 10-15 ans, et qu'on en est à un point où la personne qui regarde Raw toutes les semaines, c'est un mec qui va vouloir regarder aussi SmackDown toutes les semaines, c'est un mec qui va vouloir regarder NXT, et donc voilà, ils arrivent à capitaliser deux fois plus sur leur audience, même s'ils ont, je sais pas moi, 20%, 30% de moins d'audience qu'il y a 5 ans. Donc voilà, c'est la magie du marketing. Voilà, c'est des gens intelligents, tout l'inverse. Il y a personne qui a réussi à faire du pognon comme ça à partir du catch. Je suis une victime de voilà. Ça, hein. Regardez, un t-shirt Brizongo et je ne regarde même pas SmackDown. C'est ça. Voilà, donc ça c'était l'info qui tournait autour des droits télé de la WWE. Donc tout ça c'est plutôt bien barré pour 2019. Yep. Et on avait encore une news. Alors, as-tu une petite news en stock? Une dernière petite news en stock. La dernière, ça concerne l'Australie. Tiens, tenez-vous bien, la nouvelle terre promise du catch, l'Australie, puisque la WWE va normalement y donner un pay-per-view carrément, dans un stade de pas moins de 100 000 spectateurs. J'ai pas de visu pour celui-là, tant pis. écoute, tant pis, c'est de l'impro, c'est tombé le 4 mars 2018. Donc aujourd'hui même sur Vox Catch, hein, allez faire un tour si vous voulez des news sur le catch. Donc à Melbourne, le MCG Stadium. Mm-hmm. Donc ce serait apparemment officiel un pay-per-view qui se ferait en Australie. Ça vient du site le Herald Sun. Alors non, mais c'est à quelle saison en fait le pay-per-view, c'est quelle période? Je vais te dire ça. Je crois que c'est en septembre. Ils devraient annoncer ça officiellement pendant la semaine de WrestleMania. On annonce John Cena, Ronda Rousey, mais aussi bizarrement l'Undertaker et Rey Mysterio. Tu dis on annonce, c'est genre la rumeur ou c'est Herald Sun? Ah d'accord. C'est le journal qui a publié l'info. Ah ok. Le site plutôt. C'est du sérieux du coup. Bah visiblement. C'est un journal généraliste. Voilà. D'accord. Et bonne nouvelle. Mais c'est les Anglais qui vont être encore plus dégoûtés. Ça fait genre 10 ans que les Anglais veulent. Ouais. La New Japan Pro Wrestling revient d'une tournée là en Australie qui a été un franc succès aussi. Donc c'est en ce moment c'est la, finalement ils ont beaucoup centré sur l'Inde, la WWE, mais en fait c'était l'Australie qu'il fallait viser. Il y a énormément de catcheurs qui viennent d'Australie désormais, de Nouvelle-Zélande. Et visiblement, il y a de quoi faire avec le public là-bas. Hein. Il y a du monde et ça remplit NXT, les... NXT avait déjà fait une partie de leur tournée aussi en Australie. C'est logique parce que le roster d'NXT, quand même, niveau australien... Alors, il y avait... Elle n'est plus là, mais il y avait Emma. Et The Iconic Duo. Et TM61. Ouais. Attends, est-ce qu'ils sont néo-zélandais ou australiens? Non, je crois qu'ils sont australiens. Donc voilà, ouais. Est-ce qu'il y avait... Buddy Murphy aussi qui est. Ah, peut-être. Aussi. Dans ces eaux-là. Mais, donc, ouais, clairement, à NXT, il y a une, petite filière australienne. Ouais. C'est... Voilà, ça bouge en Australie au niveau du catch et bah, la WWE en profite visiblement. Ok, ok. Bah, j'espère toujours qu'il y a un jour un. Enfin bon, cette année, ça va. On a cotisé, on va à Mania, mais j'espère toujours qu'il y a un pay-per-view à Londres un jour, ouais. Quoi. Ou à Manchester, je sais pas, mettez-le quelque part en Angleterre. Mais ils feront plein, quoi. Ils feront vraiment plein. Et puis en ce moment, le catch en Angleterre, c'est la folie. Et à part les chiffres, alors par contre, les chiffres pour l'Europe n'ont pas été terribles sur leur dernière tournée. Mais je pense que simplement un pay-per-view en Angleterre, ce serait jouable. Et le problème aussi, je pense qu'en Europe, bon, on y est allé, nous, les tarifs ne sont pas donnés. Hein. Je pense que c'est un peu ce qui freine les gens, quoi. C'est-à-dire que. Ah bah là sur le ouais, on va pas faire de la mauvaise pub pour la WWE, ouais. Mais pour la house show de Paris ils s'emmerdent pas trop, hein, sur le prix des billets, mais ouais. Là-dessus il faudrait peut-être qu'ils voient un peu moins cher s'ils veulent faire revenir du public en France. Maintenant, bon, bah vu que ça va arriver sur l'équipe pour FR, peut-être que ça va attirer un nouveau public. Mais c'est vrai que c'est le bon timing pour vendre les tickets. Bref, on va terminer sur ce Talking Catch numéro 12, sans débat cette fois-ci, hein, on est désolé, mais de toute façon là on a dépassé tous les scores, niveau timing. Vous inquiétez pas, la prochaine fois il y aura un vrai logo, là j'ai fait une espèce de logo à la Zob, mais j'avais pas beaucoup de temps, ouais, aujourd'hui. Visiblement ça a pas plu à quelqu'un, on a un pouce vers le bas. Donc, ah là là, le pouce vers le bas. On va faire attention aux détails. Hein. Désolé. Dites-nous comment on devrait s'habiller ou faire les polices ou je ne sais pas. Bref, on arrête de blaguer. YouTube.com/catchupcdc. Voilà, on n'est pas drôle en plus. C'est là où vous retrouvez donc du coup tous nos podcasts Catchup Pro, Catchup Smackdown. Désormais, 205 Live en 220 secondes. C'est la nouvelle émission de Ringside, juste à ma gauche, droite, je ne sais pas. Enfin, ça dépend si on est du côté de l'ordi ou pas. Voilà, 205 Live en 205 secondes. Normalement, ça devrait être hebdomadaire. Normalement. Alors, oui, bah oui. Il faut voir si le succès est au rendez-vous et puis si je fais pas une. Si j'ai pas des problèmes, hein, on sait jamais. Willy Perfecten nous demande s'il y a NXT tout seul aujourd'hui. Il est déjà passé, le NXT tout seul. Il est pas encore publié, donc du coup il sera disponible à la fin d'après-midi. Donc voilà, ne t'inquiète pas, l'épisode est enregistré, c'est 14h tous les dimanches. Donc du coup, faut être à l'heure. Donc voilà, c'est justement ce que j'allais annoncer, NXT tout seul aussi. Toute la semaine, on couvre tous les shows de la WWE. Et bientôt, on couvrira Mania en direct de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu dès qu'on part en live. Facebook.com/catchupcdc aussi. Et vous retrouvez tous nos podcasts en audio sur PodCloud, iTunes, etc. Sauf NXT tout seul, parce que je suis une grosse feignasse et un jour, je le ferai, le mettre en audio. Mais voilà. Faut une grosse feignasse, j'ai enregistré deux émissions quand même aujourd'hui. Faut pas déconner. bon. Il y a des limites. Je vous rappelle qu'on est à un budget, hein, de production de 0 euros. Hein. Voilà, on n'est pas payé pour faire tout ça et on travaille à côté en plus. Merci Ringside d'avoir été là. Je t'en prie. Merci à toi et bravo.